Compliment pour maman ferme, les femmes ça tout passe en si bon. Haïti, maman chérie, va me chercher pour nous jouir la vie. Compliment pour maman ferme, les femmes ça tout passe en si bon. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Haïti, maman, va me chercher pour nous jouir la vie. Pour être vivant, il jouait.